Bonne vitesse, voilà, déjà bonne vitesse. Non, en même temps, essaye en même temps. Si tu sais faire un rythme comme tu faisais tout à l'heure, c'est que tu sais synchroniser tes pieds et tes mains, donc tu dois savoir faire ça. Même temps. Voilà. Voilà, tiens-le comme ça. Continue, continue, essaie de le tenir bien dans le rythme. Maintenant, lâche la grosse caisse, juste lâche la reste. Essaye d'enlever la grosse caisse. Retire la grosse caisse, essaye. Juste la Charleston, essaye. Maintenant enlève la grosse caisse, ne tape plus sur la grosse caisse. Juste la Charleston, essaye de garder. Attends, regarde, je tourne. Voilà, comme ça c'est bon. Ok. Ok. Alors maintenant, tu as essayé. Vas-y, remets la grosse caisse maintenant. Essaye de remettre la grosse caisse. Attends 2 secondes.